Flycase. Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. De ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Samedi 12 mars, soyez les bienvenus en ce samedi après-midi, bien évidemment, un samedi printanier, il fait beau, il fait chaud, enfin chaud peut-être pas, mais en tout cas ça fait du bien pour le moral. C'est le Flycase jusqu'à 18h pour vous accompagner avec un maximum de nouveautés, c'est ce qu'on aura l'occasion de vous proposer, pas mal de changements d'ailleurs dans ce classement, un total de 4 entrées et 4 sorties, et puis un nouveau numéro 1 également tout à l'heure. Flycase. 4 sorties, la première sortie, Alex Goffer et Étienne de Crécy, ex numéro 1, ça s'appelle Smile. La sortie également de Fred Everything et Jinadou Churching, le remix de D-Tron. Encore une sortie, la troisième, Kovari avec How Shall I Rise. Et enfin la quatrième et dernière sortie, la reprise des Sister Sledge, Me and My Toothbrush Gold Member. Numéro 20. Allez, c'est ce qu'on appelle un petit nettoyage au printemps en tous les cas. Pas mal de changements dans ce classement. Et la 20e position, c'est la lanterne rouge cette semaine. 9 places au moins pour Eddie Amador, Rise. Rise to the top, I got to make let's get to the top. I keep on working, never stop. Gonna keep on pushing. Kenzel et Vinted, rencontre, on l'a vu, c'est tous les samedis entre 16h et 18h avec pas mal de changements, on vous l'a dit. Ce sera le cas dans quelques minutes d'ailleurs. Positionnement 20 cette semaine, c'était Eddie Mador avec Raise, le remix de Robosonic. Ça perd 9 places numéro 20 et 9 places de moins également pour Clapton. C'est ce qu'on vient de s'écouter à l'instant. À mon avis, c'est la dernière semaine. Hein. C'est à vous de voter en tous les cas. Facebook, Flycase, Clapton, Only Thing. C'était le remix de Tube and Burger numéro 19. Hein. Les 20 titres qui te font bouger, c'est Flycase numéro 18. But you'll never let the burning stop. The fear in your eyes from falling deeper. Wear your disguise to cover up. Roll of the dice, put us together. We're together now. We're together now. time ago, but not a long time at all. Nobody go know, don't be anybody in business. Kids et les 20 titres incontournables tous les samedis 16h, 18h avec la première entrée cette semaine. Il y en a 4, je vous rappelle, c'était Anomi Rampan Me. C'est vachement bien ça. Ça s'appelle Test Like. C'est un avenir très prometteur, à mon avis également. C'est à vous de voter. Facebook Flykids numéro 17, 4 places au moins pour Délé Sosimi Afrobeat avec Too Much Information, le remix de Laoulou et Magician. Je sais pas, avant, c'est le nouveau titre. Ça vient d'être remixé, ça vient de ressortir. Lucas and Steve, c'est le nom du remix. Together, c'est le titre. The Magician, c'est l'artiste belge, évidemment, numéro 18. Ça perd 3 places. Et puis, bonne nouvelle également, durant cet après-midi, avant 18h, en tous les cas, on aura des invitations pour la soirée L'âge de Zoo, la grosse soirée Galaxy qui se déroulera la semaine prochaine. Donc, restez-nous fidèles, évidemment. Tous les jours, dès 20h, sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy, shake it, girl, shake. Le rythme des tribus électroniques, c'est ce soir à partir de 20h avec Jérôme B. Party House, 21h Girly House Clubbing, c'est avec Franck Pilo, 22h DJ Tom, 6 Mix, 23h Marty Check It House, à minuit DJ Storm, Cyclone, à 1h DJ Gus, Bad Noise et The Pleasure, 2h Mark Lower, à 3h Seth Santos, et puis à partir de 4h jusqu'à 5h pour clôturer cette soirée mix, ce sera Pierre Théry, évidemment. Tout de suite, voici une petite proposition d'entrée pour ce classement du Flykids. C'est à vous de voter pour ce titre. Le groupe s'appelle Season. Petite découverte d'ailleurs, David Eltrix. Tiens, ça s'appelle Do You et c'est vachement bien. Écoutez, c'est maintenant, c'est une proposition d'entrée pour la semaine prochaine, 16h30. Numéro 15. Yeah, c'est le retour de Rome Acoustique dans ce classement du Flakes. Le nouveau titre s'appelle Panty. Alors, c'est le remix de Format B. Numéro 14, ça gagne 2 places. Et numéro 15, juste pour avoir une petite place de moins pour Nora N Pure avec Morning Dew. Dans quelques instants, la 13e position, c'est la seconde entrée pour cette semaine. Je vous rappelle qu'il y en a 4 au total. Audio Jacks, numéro 13 avec Vibrate. Les 20 titres qui te font bouger. C'est Flycase, numéro 13. Flycase, nouveauté, nouveauté.

I'm feeling you. Et encore une petite découverte au Galaxy, un son, c'était Detroit Swing avec le titre House Music. Il est 17h. Numéro 20. Allez, on y va, voici le récapitulatif de la position numéro 20, la position numéro 11, numéro 20. Il y a Mador avec Raise, le remix de Robosonic, ça perd 9 places. Numéro 19. 9 places au moins également pour la 19e position, c'est Clapton avec Only Thing, le remix de Tube and Burger. Numéro 18. The Magician, ça s'appelle Together, c'est le remix de Lucas and Steve, un titre qui est sorti au mois de juin l'année dernière et qui vient de ressortir. Un petit remix, numéro 18, ça perd 3 places. Numéro 17. 4 places au moins pour cet ex numéro 1 du Flycase. Ça sent la fin également. Ça fait pas mal de semaines d'ailleurs de présence. Dès les Sosemi Afrobeat Orchestra avec Too Much Information, c'est le remix de Laoulou. Numéro 16. 4 entrées cette semaine dans le classement. Numéro 16, c'est la première. Nomi Rumpa and Me avec Taste Like. Bit of hell if I lasted that pushes past her inside behind the dark room beauty market up liquid and numéro 15. Une petite place au moins, c'est la position numéro 15 cette semaine. Nora and Poor, petite découverte Galaxy également avec Morning Dew. Un petit bond de place pour le retour de Rome Acoustique après le succès incontournable il y a quelques mois avec le single précédent, ça s'appelle Pantir, le remix de Format B numéro 14. Numéro 13. Numéro 13, le titre de Audio Jack, c'est une nouveauté, c'est une entrée, c'est la seconde d'ailleurs pour cette semaine avec Vibrate. Numéro 12. 3 places de moins cette semaine pour la position numéro 12, Noir and Judge avec Keep Up. Numéro 11. Et enfin 6 places au moins pour le titre de Sonny Fodera et Yasmin avec Feeling You, numéro 11. Flycase numéro 10. Flycase nouveauté. Allez, encore de nouveautés qui se cachent dans les 10 premiers cette semaine. Numéro 10, Koyo, le grand tour également avec Who's Wearing the Trouser. Et puis attention, dans un petit 10 minutes, on aura des invitations pour la chose où à vous offrir la soirée Galaxy. C'était la position numéro 9 à l'instant avec le retour de Ramon Tapia dans ce classement avec Yellow Submarine. Ça gagne 3 places, c'est 10e. C'était la 3e entrée pour Koyu avec Who's Wearing the Trouser. Et puis c'est une petite nouveauté. Évidemment, il y a quelques instants, je vous ai dit qu'on allait jouer, tiens. Allez, on va jouer tout de suite avec La Jeuzo, la grosse soirée à ne pas manquer la semaine prochaine avec Galaxy. C'est le 19 mars, c'est La Jeuzo avec Frankie Jones en invité. Il y aura également Wesley Galaxy, Arnaud Will Turner, Timothy Milton, Stephen Wilson, également Chris Collins, Farai. C'est une grosse soirée, c'est à partir de 22h. Ce sera à La Jeuzo Club à Pec, évidemment. Et on a tout de suite des invitations à vous offrir, deux entrées pour la cinquième personne. Que les standards 03 20 83 57 57. Bonne chance. Les 20 titres indispensables. Yeah, yeah. Flygaze. Numéro 8. Flygaze. Nouveauté. Get it.

Les 20 incontournables positionnés numéro 6 cette semaine. Pas de changement par rapport à la semaine dernière pour Red Axis. C'était Sabor numéro 7 DJ Leroy avec Roland Clark et Deep, le remix Late Night of Guy. Et numéro 8 juste auparavant, c'était la meilleure entrée pour cette semaine, le retour de Clone Van Srock dans ce classement avec Mind Your Business. Tous les jours dès 20h sur Galaxy et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy, shake it girl, shake. Elle sort là toute la tribu ce soir à partir de 20h. Jérôme B, à partir de 21h, Franck Lido, 22h, Digitom, 23h, Marty, à minuit, Digistorm, 1h, Digigus, 2h, Mark Lower, 3h, 7 Santos, et 4h, Pierre Terry, pour clôturer cette soirée mix. Tout de suite, voici une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Petite découverte au Galaxy également, ça s'appelle Digifuge, et le titre Make It Right. C'est à vous de voter Facebook Flycase. We'll be right back.

Flycase. Flycase. Avec Olivier Curtis sur Galaxy numéro 3. We'll be right back. Y'a le Fly Gaze numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif de ce classement de la position numéro 10 à la position numéro 1. Numéro 10, c'était la troisième entrée pour cette semaine, c'était Koyu avec Who's Wearing the Trouser. Numéro 9. Numéro 9, ramène Tapia le grand retour dans ce classement du Fly Gaze avec un titre qui gagne 3 places cette semaine, Yellow Submarine. Numéro 8 cette semaine, c'est la meilleure entrée pour Claude Van Strock avec le titre My New Business. Numéro 7. Une petite place au mieux cette semaine pour cet ex-numéro 1 du classement du Fly Gaze, DJ Leroy et Roland Clark avec I Get Deep. And it's so sweet, sweet. Numéro 6. Numéro 6, excellent également, c'est position sessionnaire. Moi, ça change pas du tout par rapport à la semaine dernière. Red Axis avec Sabor. Numéro 5. Numéro 5, une petite place au moins pour Written et le titre Rinse and Repeat. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on tomorrow. Numéro 4. Numéro 4, Lovebirds, encore une petite découverte au Galaxy. On adore ce titre avec National. Là, c'est pointé. Numéro 4, ça gagne 3 places. Une place de moi également pour Gershon Jackson. C'était numéro 1 il y a 15 jours. Take it easy. Le remix de Sonny Fodera et Matt Joe. Numéro 2. Et enfin, numéro 2, c'était numéro 1 de la semaine dernière. Jane Faris avec Time. La reprise d'un vieux titre au disco des années 70. Ça perd une place. Fly Gaze. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Allez, nouveau numéro 1 pour cette semaine. Le groupe s'appelle It's Everything. C'est encore une découverte bien de chez nous. Ça s'appelle Big Disc. Dans quelques instants, mettre le matou. We'll be right back. Du classement de Flaky, c'était It's Everything avec Big Disc. Galaxy. Galaxy. Vous êtes. Ce que vous écoutez. Ce que vous écoutez. We'll be right back. était proposition d'entrée dans ce classement du Flakez. C'était Bassy Grub à l'instant avec Oh Baby Dance. Flakez. Voilà, Flakez, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h samedi prochain. N'oubliez pas de voter sur Facebook Flakez, bien évidemment. Toutes vos propositions, on écoute tout et puis on sélectionne. Évidemment, on fait un petit récapitulatif tous les samedis après-midi. Dans un petit instant, c'est Matt Le Matou. Bah, j'espère qu'il va arriver parce qu'il y a déjà plein de monde qui l'attend ici. Ce sera une émission au public, j'ai l'impression. Bon, restez avec nous dans quelques instants. Donc, Matt Le Matou, on vous souhaite une excellente soirée et puis tous vos mix habituels à partir de 20h.